Gilbert Montagnier. Ouais. One, two, three. C'est de la pédre dans la galerie. C'est de la pédre dans la galerie. Chanson, mais c'est le monde à l'envers. C'est le lapino dans la cabine. C'est le lapino.